tu es venu longtemps. Samedi, tu es resté longtemps. Dimanche, il fallait que tu rentres. Lundi soir, parce que mardi, t'avais couru. Je suis resté malade. J'étais venu longtemps, samedi, tu as préparé les poulets fumés. On a mangé ensemble, tous les deux, on avait l'appétit, toi et moi. Parce que chérie, on avait le plaisir et tous les deux. Longtemps, quand j'étais parti, je suis resté malade. Méchante, pressée, tu voulais rentrer vite fait. Chérie, chez toi, je ne sais pas pourquoi. T'avais changé longtemps, Aïna Mela. Longtemps, quand tu étais parti, je suis resté malade. Notre nuit était quasiment échouée. J'étais déçu, j'étais déçu. C'était ma faute, mais à coup pas. J'étais sur les dents à cause de mon boulot. Quand j'étais parti, je suis resté malade. Je suis resté malade.